DJ Wizzy, Ayakimol, Tol Tol, Watutim, Watutim, Watutim. Fom kidi tololol, no time to play, pas ni mololol. Hey! Nous tout seul, pas qu'elle là, pas fait rôle. Gardez-moi bien, en pas qu'à lol. Oulala, oulala, mais que fois-je? Une chabine, un talon, dans le noir. Dans mon pala, il pas libre n'importe quoi. Ou de ça là, et où ça m'enlève ça? Mamma mia! Wine, wine, baby wine. Baby girl, fais-moi monter dans les étoiles. Baba sala, bata tchekati winner. Will bad man! Pas qu'à parler deux fois, to to lolol. No time to play, pas ni bololol. Hey! Nous tout seul, pas qu'elle là, pas fait rôle. Gardez-moi bien. En pacalol, pacalol, pacalol. Gal, on y vise passer Castorama. Le genre de femme qui pas jamais peut froid. Attends, on s'en pas dit maman, pas dit papa. Mais t'es quoi bien pour pas finir en A. Hey, connais-tu la attitude? C'est les basses la café au décollé en attitude. Maté nous va, mais ou papi, c'est fait grand étude. Et puis parler franchement pour mon en certitude. Tololol, no time to play, pas dit bololol. Hey, nous tout seul, ok là, à faire rôle. Gardez-moi bien. En pacalol. What to dim, what to dim.